peur, il a changé de couleur. Il était si bleu avant, il est noir maintenant. Je t'ai aimé plus que tout, avant ton regard de fou. Tu m'as pris toutes mes envies, me fais reflet de tes angoisses. Emmuré dans mon inertie, j'ai tenu tête à tes menaces. Une douleur au plus profond de moi, c'était l'horreur encore une fois. Et toi, t'es encore là. Je ne peux plus rien pour toi. Et toi, t'es encore là. Tu ne peux plus rien pour moi. Tu ne peux plus rien pour moi. Tes mains me font peur, les vestiges de ta douceur. Elles faisaient caresses avant, elles écorchent maintenant. Tu m'as aimé tant et tant, je n'ai plus que des larmes de sang. Dans un dernier souffle de vie, je succombe à tes menaces. Au pied de notre lit, recouvert de toutes ces traces. Je n'ai plus mal, je pars sans toi. T'étais violent une dernière fois. Et toi, t'es encore là. Je ne peux plus rien pour toi. Et toi, t'es encore là. Tu ne peux plus rien pour moi. Tu ne peux plus rien pour moi. Maintenant, tu peux pleurer toutes tes larmes. C'est trop tard pour sauver ton âme. Tu m'as retiré la vie pour tes désirs inassouvis. J'ai tenté de te raisonner, il te reste plus qu'à assumer. Et toi,